Winnie est maintenant enterrée jusqu'au cou, endormie. La sonnerie la réveille. Salut, sainte lumière. Quelqu'un me regarde encore, se soucie de moi encore. Ça que je trouve si merveilleux, des yeux sur mes yeux. Quel est ce verre inoubliable? Willy! Willy! Peut-on encore parler de temps? Dire que ça fait un bout de temps, Willy, que je ne te vois plus, ne t'entends plus. Peut-on? On le fait. Le vieux style. Il y a si peu dont on puisse parler. On parle de tout ce qu'on peut. Je pensais autrefois, je pensais autrefois que j'apprendrais à parler toute seule. Je veux dire à moi-même le désert. Mais non. Non, non. Donc tu es là. Oh, tu dois être mort, oui, sans doute, comme les autres. Tu as dû mourir ou partir en m'abandonnant, comme les autres. Ça ne fait rien. Tu es là. Le sac aussi est là. Le même que toujours. Je le vois. Le sac est là, Willy. Pas une ride. Celui que tu me donnas ce jour-là pour faire mon marché. Quel jour-là. Je priais autrefois. Je dis, je priais autrefois. Oui, j'avoue. Plus maintenant. Non, non. Autrefois. Maintenant. Comme c'est dur pour l'esprit. Avoir été toujours celle que je suis et être si différente de celle que j'étais. Je suis l'une, je dis l'une, puis l'autre. Tantôt l'une, tantôt l'autre. Il y a si peu qu'on puisse dire. On dit tout, tout ce qu'on peut, et passe un mot de vrai nulle part. Mes bras, mes seins. Quel bras, quel sein. Willy. Quel Willy? Mon Willy! Willy! Willy! Enfin, ne pas savoir de façon certaine. Grande bonté, tout ce que je demande. Eh oui. Autrefois. Maintenant. Ombre verte. Ceci. Charlot, baiser, ceci, tout ça, très troublant pour l'esprit. Mais le mien n'en est pas troublé. Plus maintenant. Non, non. Je revois des yeux. Et je les vois se fermer tranquilles pour voir tranquille. Pas les miens. Plus maintenant. Non, non. Willy. La terre, Willy. Tu crois qu'elle a perdu son atmosphère? Tu crois, Willy? Tu n'as pas d'opinion. Eh bien, c'est bien toi. Tu n'as jamais eu d'opinion sur quoi que ce soit. C'est compréhensible. Très. Le globe. Je me demande quelquefois. Peut-être pas toutes. Il reste toujours quelque chose, de toute chose. Quelque reste. Si la raison sombrait. Elle ne le fera pas, bien sûr. Pas tout à fait. Pas la mienne. Plus maintenant. Non, non. Ce pourrait être le froid éternel. La glace éternelle. Simple hasard, je présume. Heureux hasard. Ah oui. De grande bonté, de grande bonté. Et maintenant, le visage, le nez, je le vois, le bout, les narines, souffle de vie, cette courbe que tu prisais tant, nombre de lèvres, si je fais l'amour. La langue, bien sûr, que tu goûtais tant, si je la tire. Le bout, oh, rien de front, de sourcils, imagination peut-être, la joue, non, non, même si je les gonfle. Non, non. Vermeil, bernique. C'est tout. Le sac, bien sûr. Un peu flou, mais le sac. La terre, bien sûr, et le ciel. L'ombrelle que tu me donnas ce jour-là. Ce jour-là, le lac, les roseaux. Quel jour-là, quel roseau. Brownie, bien sûr. Tu te rappelles Brownie, Willy? Brownie là, Willy, à côté de moi. Brownie là, Willy. C'est tout. Que ferais-je sans eux? Que ferais-je sans eux quand les mots me lâchent? Regardez droit devant moi, les lèvres rentrées. Je ne peux pas. Oh oui, de grande bonté, de grande bonté. Quelquefois, j'entends des bruits. Mais pas souvent. Je les bénis. Je bénis les bruits, ils m'aident à tirer ma journée. Ah oui, ce sont des beaux jours, les jours où il y a des bruits. Où j'entends des bruits. Je pensais autrefois qu'ils étaient dans ma tête. Mais non. Non, non, ça, c'était la logique. La raison. Je n'ai pas perdu la raison. Pas encore. Pas toutes. Il m'en reste. Des bruits comme des petits effritements, des petits éboulements. Ce sont les choses, Willy. Dans le sac. Or, le sac. Ah oui, les choses ont leur vie, voilà ce que je dis toujours. Les choses ont une vie. Ma glace, par exemple, elle n'a plus besoin de moi. Et quand ça sonne, ça fait mal comme une lame, une gouge. On ne peut pas rester sourd. Que de fois j'ai dit... Je dis que de fois j'ai dit « Reste sourde, Winnie, t'occupe pas, dors et veille, comme ça te chante, ouvre et ferme les yeux, comme ça te chante, ou comme ça t'arrange le mieux, ouvre et ferme les yeux, Winnie, ouvre et ferme, toujours ça. » Mais non, plus maintenant, non, non, Et maintenant, Willy, il y a mon histoire, bien sûr, quand tout fait défaut. Une vie, une longue vie, commençant dans la matrice comme au temps jadis. Mildred se souvient. Elle se souviendra de la matrice avant de mourir. La matrice maternelle. Elle a déjà 4 ou 5 ans et vient de se voir offrir une grande poupée de cire. Tout habillée, ensemble complet. Souliers, soquettes, dessous à trou-trou, cheveux complets, jupette bergère, gants. Ajourés, blancs. Petit chapeau de paille blanc avec élastique. Collier de perles. Petit livre d'images avec les gens en vrai caractère à mettre sous le bras quand elle fait sa promenade. Yeux bleus pervenches qui s'ouvrent et se ferment. Le soleil dépassait à peine l'horizon que Milly se leva, descendit. Mit son petit peignoir, descendit toute seule l'escalier abrupt à 4 pattes à reculons, quoique celui fût défendu, entra dans la nurserie. Franchit sur la pointe des pieds le corridor silencieux, entra dans la nurserie et se mit à déshabiller Fifi. S'enfila sous la table et se mit à déshabiller Fifi, la grondant cependant. Soudain, une souris. Doucement, Winnie. Willy. Willy! Par moments, je trouve ton attitude un peu étrange, Willy. Ça ne te ressemble pas d'être cruel sans nécessité. Étrange. Non, pas ici. Plus maintenant. Et pourtant, pourvu qu'il ne se passe rien. Est-ce que tout va bien, mon chéri? Laisse à Dieu qu'il ne se soit pas enfilé la tête la première. Tu n'es pas bloqué, Willy. Tu n'es pas coincé, Willy. Peut-être qu'il appelle à lui pendant tout ce temps, sans que je l'entende. Bien sûr, j'entends des cris. Mais ils sont dans ma tête, non? Est-ce possible? Non, non. Ma tête est pleine de cris depuis toujours. Des faibles cris confus. Ils viennent, puis s'en vont. Comme au gré du vent. Ça que je trouve si merveilleux. Il cesse. Ah oui. De grande bonté. De grande bonté. La journée est maintenant bien avancée. Cependant, il est encore un peu tôt, sans doute, pour ma chanson. Chanter trop tôt est funeste, je trouve toujours. D'un autre côté, il vous arrive de trop attendre. Ça sonne pour le sommeil et on n'a pas chanté. La journée tout entière a fui, sans retour. Et pas la moindre chanson, de quelque sorte que ce soit. Il y a un problème ici. On ne peut pas chanter comme ça, non. Ça monte aux lèvres, on ne sait pourquoi. Le moment est mal choisi. On ravale. On se dit, c'est le moment, c'est maintenant ou jamais. On ne peut pas. On ne peut pas chanter tout bonnement. Pas une note. Autre chose, Willy. Avant de passer à autre chose. La tristesse après chanter. As-tu connu ça, Willy, au cours de ton expérience? Non? La tristesse au sortir des rapports sexuels intimes, celle-là nous est familière, certes. Là-dessus, tu serais d'accord avec Aristote, Willy, je pense. Oui, celle-là, nous la connaissons. Et savons y faire front. Mais après chanter, elle ne dure pas, bien sûr. Ça, je trouve si merveilleux. Elle se dissipe. Ah, quels sont ces vers exquis? Tout à la, tout s'oublie, la vague, non, délie. Oui, tout à la, tout se délie, la vague, non, flot. Ouais. Le flot sur le flot s'oublie, replie. Ouais. Le flot sur le flot se replie, et le flot, non, vague. Ouais. Et la vague qui passe oublie, oublie. On perd ses classiques. On reprend tous une partie. Il en reste une partie. Ça que je trouve si merveilleux, qu'il vous en reste une partie de vos classiques pour vous aider à tirer votre journée. Ah oui, abondance de bonté. Et maintenant, Willy, j'appelle devant l'œil de l'esprit Monsieur Cooker ou Pib. Main dans la main, les sacoches. Entre deux âges, plus jeune, pas vieux, plantez l'âme fixée, bouche bée. Pas mal la poitrine, dit-il. J'ai vu pis. Pas mal les épaules, dit-il. J'ai vu pis. Est-ce qu'elle sent encore ses jambes, dit-il. Est-ce que ça vit encore ses jambes, dit-il. Est-ce qu'elle est à poil là-dedans, dit-il. Demande-lui, dit-il. Moi, je n'ose pas. Tu me dis quoi, dit-elle. Si ça vit encore ses jambes, si elle est à poil là-dedans. Demande-lui toi-même et lâche-moi, sacré nom de Dieu, écroule. Crève! Mais non. Non, non. Je les regarde s'éloigner. Main dans la main. Les sacoches. Flou. Derniers humains à s'être fourvoyés par ici, jusqu'ici. Et maintenant, à moi, Willy. Non, soudain une souris. Sur sa petite cuisse, plus haut, et Mildred, lâchant Fifi dans son épouvante, se mit à crier. Ah ! Et cria. Ah ! Ah ! Et cria, jusqu'à ce qu'ils accourent tous dans leurs vêtements de nuit. Papa, maman, Bibi, la vieille Annie, pour voir ce qui n'allait pas. Ce que ça pouvait bien être, mon Dieu, qui n'allait pas. Trop tard. Willy. Enfin. Plus pour longtemps, Winnie. Ça va sonner pour le sommeil. Alors tu pourras fermer les yeux. Alors tu devras fermer les yeux et ne plus les ouvrir. Pourquoi redire ça? Je pensais autrefois qu'il n'y avait jamais aucune différence entre une fraction de seconde et la suivante. Je me disais autrefois, Winnie, tu ne changeras jamais. Il n'y a jamais aucune différence entre une fraction de seconde et la suivante. Pourquoi reparler de ça? Il y a si peu dont on puisse reparler. On reparle. parle de tout ce qu'on peut. Mon cou me fait mal. Mon cou me fait mal! Ça va mieux. De la mesure en toute chose. Je ne peux plus rien faire. Plus rien dire. Mais je dois dire plus. Problème ici. Non. Il faut que ça bouge. Quelque chose dans le monde, moi, c'est fini. Un zéphyr, un souffle. Quels sont ces vers immortels? Ce pourrait être le noir éternel. Nuit noire sans issue. Simple hasard, je présume. Heureux hasard. Ah oui. Abondance de bonté. Et maintenant, Willy, ce jour-là, le champagne rose, les verres flûtent, enfin seul, la dernière rasade, les corps se touchant presque. Quel regard. J'entends des cris. Chante. Chante ta vieille chanson. Winnie. Willy apparaît à droite au pied du mamelon. Ça, par exemple. Voilà un plaisir auquel je ne m'attendais guère. Ça me rappelle le printemps, tu venais me geindre ton amour. Winnie, sois à moi, je t'adore. La vie, une dérision sans Win. Ah, quel épouvantail. Parler de chien-lit. Où sont les fleurs d'un jour? Qu'est-ce que tu as au cou? Un anthrax? Ah, faut surveiller ça, Willy, avant d'être envahi. Où est-ce que tu étais tout ce temps? Qu'est-ce que tu faisais tout ce temps? Ta toilette? Tu ne m'as pas entendu crier? Tu t'étais coincé dans ton trou. Oh, c'est ça, Willy. Regarde-moi. Repais tes vieux yeux. Il en reste quelque chose? Quelques restes? Je n'ai pas pu refaire ma beauté, tu sais. Toi, tu es encore reconnaissable en un sens. Tu penses venir vivre ici, de ce côté, maintenant? Une petite saison, peut-être. Non, tu ne faisais que passer. Tu es devenu sourd, Willy. Muet? Oh, je sais, tu n'as jamais été causant. Winnie, sois à moi, je t'adore, et fini fleurette. La parole est aux offres et demande enfin quelle importance. Ça aurait été quand même un beau jour, après tout. Encore un. Mais pour longtemps, Winnie. J'entends des cris. Ça t'arrive, Willie, d'entendre des cris. Regarde-moi encore une fois, Willie. Encore une fois, Willie. Qu'est-ce que tu as? Jamais vu une tête pareille. Couvre-toi, chérie, c'est le soleil. Pas de chichi, je permets. Willy lâche chapeau et gants et commence à grimper vers elle. Oh, oh mais dis donc, c'est fantastique. Allons, mon cœur. Du nerf, vas-y. Je t'applaudirai. C'est moi que tu vises, Willy? Ou c'est autre chose? Tu voulais me toucher le visage, encore une fois? C'est un baiser que tu vises, Willy. Ou c'est autre chose. Il a lâché prise et dégringolé au bas du mamelon. Essaie encore, Willy. Je t'acclamerai. Ne me regarde pas comme ça. Ne me regarde pas comme ça. As-tu perdu la raison, Willy? Tes pauvres vieux restes de raison. Oui. Oui. Le beau jour encore que ça aura été. Encore un. Après tout. Jusqu'ici. Exquise qui nous grise lentement. La caresse, la promesse du moment, l'ineffable étreinte de nos désirs fous, tout y gardez-moi, puisque je suis à